Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, École marseillaise, attention travaux, deuxième épisode, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Le 5 novembre 2018, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille a provoqué la mort de 8 personnes. Cet accident est venu témoigner brutalement de cet état d'insalubrité de nombreux immeubles d'habitation dans la ville, dont des écoles publiques marseillaises. Cela fait plusieurs années que des parents, des instituteurs, des associations protestent. Un collectif de parents du 3e arrondissement de Marseille dénonce, et je le cite, « les cours de récréation et classes inondées en cas de pluie avec écroulement de faux plafonds, des salles inaccessibles car les portes ne s'ouvrent plus, des rats, des cafards et des pigeons morts dans les plafonds, des sorties de secours dangereuses, des chauffages en panne, pas de toilettes propres, etc. » Les parents disent la peur, oui la peur, qu'ils ont de laisser leurs enfants le matin à l'école. Il y a un an, la scénariste de cette fiction, Marie-Annick Bello, est partie enquêter sur cette histoire et a travaillé avec l'association La Marelle, à Marseille, où elle était en résidence et avec qui nous avons conçu ce projet. Marie-Annick a enquêté, recherché des témoignages, rencontré des témoins, assisté à l'émergence de collectifs citoyens mobilisés pour lutter contre ce qui ressemble à de la corruption. Mais oui, elle a construit ainsi son scénario, à partir du réel, comme un documentaire. Cette fiction, dont nous diffusons le deuxième et dernier épisode, porte justement sur l'état de ces écoles, du danger et des risques que les enfants et professeurs encourent, sur ce scandale que personne n'a vraiment l'air de prendre au sérieux. Après la fiction, pour comprendre comment dans la seconde plus grande ville de France de tels problèmes surgissent et durent depuis de nombreuses années, nous recevrons le journaliste Philippe Pujol, qui vit et qui travaille à Marseille. Il est l'auteur notamment, car il a écrit d'autres livres, de l'ouvrage « Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera ». Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. École marseillaise, attention, travaux, épisode 2. Une fiction écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Vendredi 14 décembre, 10h, bureau de la directrice générale des services de la métropole de Marseille. Membre du collectif. Je vois. Honorine. Mais bon, là, vous me mettez au pied du mur. J'avais accepté de vous rencontrer, monsieur Paul-André Dumont, en tant que représentant de l'Ordre des architectes. Et voilà que vous venez à 4. C'est pas du tout la même chose. Vous, madame ? Bonjour, Nathalie Drouin, présidente de la CAPEB, du syndicat des artisans, PME et TPME Rhône-Alpes. Oui, d'accord, je comprends pourquoi vous êtes là. Bonjour, Béatrice Paer, syndicat enseignant et directrice d'école. Bonjour, Hicham Sertaoui, parent d'élève. Parent d'élève. Écoutez, on est là pour avoir une discussion technique. Alors, je veux bien répondre à vos questions, mais pas revenir sur le béaba de comment se passe la construction d'un bâtiment public comme une école. Enfin, fortiori de plusieurs écoles pour une collectivité. Vous inquiétez pas, j'ai plutôt bien suivi le dossier. Quant au syndicat d'enseignants, votre point de vue est toujours très bienvenu sur l'utilisation des locaux, les petits coins lecture, tout ça. Mais c'est la même chose que pour monsieur Hichaoui. Certes, oui. Ici, on s'occupe de ces questions du point de vue macro, avec une vue d'ensemble très élargie, je dirais même une vue d'avion, qui englobe toute la métropole. Moi, dans mon école maternelle, les faux plafonds se sont écroulés sur le petit coin sieste. Alors ça nous donne tout à fait envie d'étudier ces vues d'avion. Ce que veut dire Béatrice Paer, c'est que nous sommes tous concernés par ce qui se passe pour nos enfants. Mais tous nos services se sentent très concernés par l'état de nos écoles ici à Marseille. Et justement, nous mettons en œuvre des solutions que vous et votre collectif cherchez à annuler purement et simplement. Nous recherchons les meilleures solutions possibles, tout comme vous. Et nous ne sommes pas certains que vous ayez eu tous les éléments d'information. Nous, en tant qu'architectes, on est concernés au premier chef. Dans une MOP, maîtrise d'ouvrage public, l'architecte est en contrat avec la ville de Marseille. Vous imaginez bien que c'est dans notre code de déontologie de défendre les intérêts des citoyens. Dans un PPP, nous travaillons directement pour l'entrepreneur. Bouygues, Vinci, Eiffage. Quand on est rémunéré par une major, et j'ai des exemples très concrets, l'architecte n'est pas en position de s'opposer. Le bien public est moins bien défendu. En tout cas, notre dossier de financement de la construction de 34 écoles, ce qui n'est pas rien, avec un PPP, a été validé par les services spécialisés du ministère de l'Économie et des Finances. Justement. Et je peux vous dire que ce dossier, je l'ai monté moi-même, et j'y ai apporté le plus grand soin. Nous vous en sommes tous reconnaissants. C'est pour cela que j'ai accepté de vous recevoir aujourd'hui. Monsieur le maire a bien senti une inquiétude démesurée chez ses concitoyens au sujet du partenariat public-privé concernant les écoles dites Payron. Et j'espère que cette discussion va permettre de retrouver un climat sain dans cette ville. Bien, vous prenez du café, sucre, lait. Un café sans sucre. Un allongé pour moi. Kevin, vous m'apporterez 4 cafés dont un allongé, avec les petits macarons, hein, s'il vous plaît. Merci. Lundi 7 janvier, 11h, journal de bord des enfants de l'école nationale. Je venais de rentrer en CM2, ma meilleure amie Léa n'était pas dans ma classe. Donc j'ai cru qu'on serait en récréation ensemble. Mais un professeur m'a dit qu'on ne serait pas ensemble dans la même récré parce que la cour est trop petite. Donc je n'ai rien dit, je suis allée travailler. Mais c'était horrible, je voulais être avec ma meilleure amie. Je voulais à tout prix agrandir cette cour. Au final, on n'a pas été dans la même classe, mais on s'est vus des fois. C'était le 24 mars. Il y avait des journalistes avec une caméra et un micro. Ils nous ont interviewés. Ils nous ont posé des questions si l'école elle était en bon état. On leur a répondu qu'il y avait des fissures. Il y avait des insectes, même des punaises. Il y a des problèmes de gouttières. Aussi, il y a la barre d'escalier qui est cassée. Toalanchi, Niel, Bruna, Dani. Ils nous ont posé, est-ce que dans votre école, il y a des insectes? On les a répondu que oui. Est-ce que dans votre école, c'est un petit peu sale? On l'a dit beaucoup. Et plusieurs des questions comparées comme ça. En fait, il y a la récré, il y a un compteur à gaz. À tout moment, il peut exploser. Donc, du coup, j'aimerais que la mairie elle intervienne pour essayer de cacher le compteur à gaz. Oui, des fois, à la cour, il y a de l'eau qui sort des tuyaux, qui vient sur des élèves. Et des fois, il y a des animaux, comme les chats, les chiens. Ils viennent à côté des toilettes et ils font leurs besoins. Il y avait un pigeon qui était au plafond, qui était mort. Du coup, ça sentait un petit peu le mort et on n'arrivait pas bien à travailler. Et comme l'école est sale, il y a plein d'insectes comme des punaises de lit. Cafard, que si je ramène des punaises chez lui, c'est moi. Je vais mal le vivre. C'est pas n'importe quel gaz, c'est un gaz puissant. Toute l'école elle peut mourir à un moment précis, on ne sait même pas. Il peut exploser à tout moment. On a peur, mais on essaie d'avoir de pas penser à ça parce que la mairie ne fait rien, on est obligé de faire un reportage pour les faire réagir. 21 janvier, 19h. Plateau de l'émission de C'est à vous sur France 5. Ce soir, Marseille. Marseille dont on a beaucoup parlé en novembre dernier. Le 5 novembre, rue d'Aubagne, deux immeubles s'effondrent. 8 morts, immense émotion et polémique immédiate sur l'insalubrité qui ronge la ville. Dans les logements, mais pas seulement. Les écoles aussi sont touchées. Nos reporters sont allés ici, École nationale, 400 élèves. On est dans le 3e arrondissement, c'est l'heure de la sortie des classes à la rencontre des parents et des élèves. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du bâtiment de l'école nationale ? Pas agréable pour les enfants. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. C'est pas, même la peinture, c'est sale. Et c'est comme un présent, en fait. On se croit qu'on n'est pas en France, on dirait qu'on est dans un autre pays. Marseille, c'est connu pour ces problèmes-là. Il n'y a pas que ici, il y a dans le 3e, dans plein d'autres quartiers. Franchement, je vous avoue que je pense vraiment au privé parce que je me dis au moins je serai tranquille. Malheureusement, c'est comme ça. Le public, voilà, c'est de plus en plus galère. Et donc, du coup, voilà, je préfère récupérer mon enfant le soir en bonne santé. Moi, quand je me dis comment mon fils peut travailler comme ça, c'est pas normal. Les parents se plaignent, mais les enfants aussi. Classe, il y a des plafonds qui tombent. Dans ta classe? Oui. Et pourquoi ils tombent? Parce que quand il pleut, parfois ça coule et ça rentre dans la classe. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi des cafards qu'on trouve et et des moustiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Que c'est répugnant et qu'il faut, il faut que ça change. Est-ce que vous avez assez de place dans l'école pour tous ces... Comme des sardines. On est 400 dans l'école et la cour, elle est dangereuse. C'est parti pour la visite guidée de l'école et ça va aller crescendo. La cour de récréation d'abord, gouttières cassées, les vannes de gaz sans protection dans la cour, l'eau qui ne s'évacue pas en cas de pluie et qui forme des flaques rendant toute une partie de la cour impraticable, cantine trop petite, 60 places pour 250 élèves qui y mangent, 15 minutes par repas par élève. On entre dans la salle de classe. Quand il pleut dehors, regardez, il pleut aussi dans la classe. L'escalier de secours, trop étroit et dangereux. Et j'ai oublié de vous parler des cafards. Les pièges sont partout. Mathilde est enseignante, elle est dans cette école depuis 10 ans. J'aurais jamais pensé, quand j'ai voulu devenir maîtresse, devoir me mobiliser uniquement pour avoir une école qui soit sécure et une école qui soit propre. Un collectif s'est monté pour avoir une vue exhaustive de l'état des 444 écoles marseillaises. L'école publique est dans un tel état et ça dure depuis tellement longtemps qu'il y a des gens qui ont oublié ce que devait être l'école publique. Mon fils est en CE2. À chaque fois, c'est... Quand même, c'est... Quand il pleut dans une école, c'est pas normal quand même. Les plafonds s'effondrent. C'est un fait. On a eu de la chance, c'est arrivé un dimanche. Il n'y a pas eu de drame, mais bon. La ville dit investir 34 millions dans les écoles par an, dont 10 pour les 70 écoles privées et le restant pour les 444 écoles privées. 21 janvier, 19h20, chez Elisa. École d'avenir en faisant le choix contesté d'un PPP, partenariat public-privé, avec un coût de 1 milliard d'euros réparti sur 25 ans pour 34 écoles. Sur le plateau avec nous ce soir, Marie-Dominique Anthony, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une avocate reconnue, vous appartenez au tribunal administratif, un recours pour faire annuler ce partenariat public-privé. Deux autres recours similaires ont été déposés par le Conseil national et le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Syndicat des architectes. Une autre revendication de votre collectif, c'est que le PPP exclut d'emblée les PME et les TPME marseillaises qui ont pourtant les compétences pour construire ces écoles. Oui, mais la première chose que nous demandons, c'est un audit global des écoles. T'as vu, elle a mis tes boucles d'oreilles bleues. Le PPP pose plusieurs questions. Ah, ça, c'est sympa. Sur une étude menée par l'Ordre des architectes, la MOP, la maîtrise d'ouvrage public, qui est communément utilisée pour la construction d'écoles, permettrait d'économiser à minima 320 millions d'euros. La seconde question, c'est qu'il est encouragé et validé par le ministère de l'Économie et des Finances à travers un outil de simulation qui permet aux collectivités d'estimer les coûts afin de faire un choix entre maîtrise d'ouvrage public, MOP et PPP. Sauf que cet outil a été conçu par un assureur américain aujourd'hui condamné par la justice, qu'il se base sur des dires d'experts dont on ne connaît ni le nom, ni les recherches, ni le nombre ou la nature des projets étudiés, et qu'à tous les tests que nous avons effectués, il conclut systématiquement que l'option PPP est la plus rentable. La troisième problématique, c'est marrant, c'est que puis ce elle type dit, de partenariat associe un financier, le non, plus souvent elle me ressemble un fonds d'investissement, à moi. Un constructeur de grande envergure du type Bouygues, Eiffage ou Vinci, et une entreprise de maintenance, le plus souvent une succursale du constructeur. Or, dans les PPP que nous avons étudiés, dont celui du Vélodrome de Marseille, à peine les travaux sont finis que déjà le fonds de pension rachète les parts du constructeur et de sa succursale, faisant du bâtiment et de sa maintenance un produit financier. Qui plus est, les fonds de pension spécialisés dans les PPP européens se revendiquent comme de la finance durable, écologique. Ah non, pardon. Durable, c'est pour les investisseurs, pas pour la planète. Maman, et l'idée que nos écoles deviennent des produits d'investissement pour elle dit que quand on construit durable, une nouvelle école, il faut d'abord s'occuper de savoir si les enfants seront bien dedans, avant de chercher à faire le plus d'argent sans possible. Sans parler de la portée symbolique. Écoutez bien ce que dit le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Ceux qui m'ont beaucoup critiqué sur la rue Montmartre, hein, me critiquent, mais ça me coûte encore plus si nous avions un drame un jour dans ce monde. Le temps est venu. On a trop attendu. Le temps est venu. On a trop attendu, c'est le maire qui dit ça. Et on a du mal à comprendre comment l'État, comment un gouvernement comme le nôtre ne peut pas faire pression sur une mairie, notamment celle de Marseille. Mais le ministère de l'Éducation et le préfet à l'égalité des chances s'étaient d'ailleurs engagés à suivre la situation des écoles marseillaises. Et aujourd'hui, quand on les interroge, ils se défaussent sur la mairie. Alors moi, je me pose une question. Y aurait-il un microclimat propre à Marseille qui empêcherait d'appliquer le principe républicain d'égalité sur l'ensemble du territoire ? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, les Marseillais sont nombreux à réclamer leurs droits. Quand vous êtes parent d'un enfant scolarisé dans une école du 3e arrondissement ou des quartiers nord, vous vous dites à raison qu'on n'a pas la même considération à votre égard. Et cette question de l'inégalité est centrale. Merci Marie-Dominique Anthony. Le tribunal rendra son verdict dans quelques semaines, le 12 février prochain. Et merci à vous de m'avoir reçu. Et maintenant, une page de sport. Que vous évoque cet homme chauve-souris ? Allez, c'est fini. Au bain, Mazoulou. Oh non, j'envoie d'abord un message à mamie. Je lui dis qu'elle est bien avec les boucles d'oreilles bleues et qu'on n'oublie pas qu'on doit faire des gâteaux samedi. Mais non, elle va pas oublier. Elle n'oublie jamais, mamie. Allez, que vous évoque cette femme chauve-souris, mademoiselle, qui va vous manger les pieds ? Go away. 22 janvier, minuit 30. Elisa. Tu dors pas ? T'as l'air tendu, là. Tu es tellement tendu que je sens à travers les draps les ondes électriques que tu dégages. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le procès ? C'est parce que ta mère a déposé un recours au tribunal administratif contre le PPP ? Mais je comprends pas comment le maire a pu avoir l'idée de faire ça. C'est-à-dire ? Ça fait des années qu'on le sollicite pour qu'il prenne en compte l'état désastreux des écoles marseillaises. Je veux dire, c'est pas comme si ça datait d'hier matin. Alors pourquoi ces écoles-là ? Des écoles Payon ? Oui. Il dit vouloir éviter un nouveau drame, mais c'est pas les plus dangereuses. Imagine. Je dis bien imagine. Hein. Imagine que, par exemple, il y a un problème avec les assurances des écoles du type Aéron et que bientôt ces écoles ne soient plus assurées. Si les assurances refusent de renouveler le contrat d'assurance de ces écoles, ça va être un sacré pataquès. Les agences de notation vont faire baisser la note de la ville de Marseille. Ça va faire mauvais effet à quelques mois des municipales. Il faut agir vite. Et là, un conseiller du maire se penche vers lui et lui dit « Monsieur le maire, j'ai une idée. Les écoles, boum. On les démolit, on les reconstruit. On fait ça avec un PPP, vite fait, bien fait. Et en plus, on résout les problèmes de vétusté. Quelle bonne idée ! Répond le maire. Hein. On va appeler ça le plan école, comme le plan Marshall, tu vois, le plan école. Le plan école d'avenir. On arrive et on sauve les écoles. Comme les Américains nous ont tendu la main en 45, c'est très très très bien, avec un CDD, un PPP, monsieur le maire, un PPP, oui, bien sûr, combien il y a d'écoles déjà, 444, non, deux écoles, pas Iron, il y en a combien, 28, on pourra en construire 6 de plus, et les 410 autres, ça continue comme avant. Mais comment tu veux que je me rendorme après ça? Attends. C'est horrible. Attends, c'est pas fini. Le conseiller se penche vers l'oreille du maire. Avec un PPP, on peut aller très vite. C'est un peu comme une, disons, une opération coup de poing. Bam, bam, bam. On arrive, on construit, on applaudit. Envoie-moi, le premier lot d'école est construit. Oh, on ne pourra pas dire qu'on n'aura rien fait après ça. Et ce qui serait bien, monsieur le maire, ce serait qu'on fasse une opération immobilière, comme pour le PPP du Vélodrome. Pour chaque école, on offre au constructeur un gros bout de terrain tout autour, sans demander aucune contrepartie. Ils pourront construire à côté, au-dessus, en dessous des écoles, ce qu'ils veulent. On distribue. déjà les 390 000 m2 d'emprise des écoles, et puis on rajoute grosso modo 25%. Qui ne nous mangera pas dans la main après ça? Les enfants. Ils votent pas. Les parents. Ceux des quartiers nord ou du troisième, ils votent pas non plus. Bah les juges. Réponse dans 10 jours. Comment elle peut distribuer le centre-ville de Marseille comme ça? C'est précieux, non? Bah, il est comme Bettencourt. Il pense qu'il en aura toujours bien assez. Je me demande ce qu'ils en pensent, les gens. Alors, tu nous montres ce que t'as appris à l'école. Lundi 4 février, 16h45, Marie-Dominique. Heureusement, le mange-poussin était faux. C'est BS qui s'est déguisé. Le deuxième était vrai, il est mort. Et en fait, pour de vrai, c'est le jour du mange-poussin. C'est bien, tu lis très bien. C'est qui ta maîtresse? C'est Myriam. Ah bon, c'est plus Madame Bidou? Non, pas Bidou, je crois. Vidou, hein. Vidou. Avant, c'était Madame Bidou. Après, il y a eu Bastien, Jessica. Et maintenant, c'est Myriam. J'adore cette maîtresse. Et elle n'a toujours pas changé d'avis. Changé d'avis, tu veux dire que décider de partir? Oui. Et quand est-ce qu'elle revient, ta première maîtresse? A dit avant de partir qu'elle ne reviendrait pas. Et du coup, pendant toute la vie que je resterai dans cette école, jusqu'à que je sorte pour aller au lycée, ce serait tout le temps Madame Bressou. Attends, je comprends pas comment Madame Bressou. Je croyais que c'était Madame Vidou. Madame Vidou, c'est la remplaçante? Madame Bressou, c'est Myriam. Madame Vidou a plus voulu travailler parce qu'elle avait peur que la verrière me tombe sur la tête. Ça l'a rendu malade. Parce que la verrière, elle peut vous tomber sur la tête? Je vais jamais sous la verrière. On passe tous par côté. Ce que ça fait des embouteillages. Moi, j'ai un truc magique. Regarde. C'est beau! En même temps, en fait, on peut faire des figures. C'est maman qui me l'a donné. Moi, j'aime bien travailler. J'aime beaucoup le travail, mais mon école, tu vois, ça va pas. Mamie, pourquoi le maire est méchant? C'est qui le maire pour toi, ma chérie? On avait fait un vote, et il y a longtemps qu'on n'était pas nés. Il y avait plus de gens qui avaient voté pour lui. Alors c'est lui le président de la ville. Mohamed, il dit que s'il était le maire, il prendrait toutes les framboises rien que pour lui. Mais après, il va faire quoi avec les framboises? Il ne pourrait jamais toutes les manger. Elles vont pourrir. Elle est nulle, son idée. Moi, je ferai de la glace. Mais tu parles du maire avec tes copains, toi? Oui, parce qu'il est méchant. Il ne veut jamais réparer notre école. Alors, nous, quand on sera grande, on ne votera pas pour lui. Oh, bah tu sais, quand tu seras grande, ma puce, ça fait longtemps qu'on l'aura oublié. Pourquoi il fait ça, le maire? Toi, tu le connais? Un peu. Pourquoi il est méchant? Tu sais, c'est difficile de savoir qui il est vraiment. C'est surtout ça. Il fait le clown tout le temps. Il parle avec l'accent marseillais. Il mouline des bras. Il fait des tas de choses comme ça. Et puis aussi, peut-être qu'il n'arrive pas à penser à tout en même temps aussi. Alors, tu vas gagner au tribunal parce que toi, tu penses à tout. On va lui écrire pour qu'il pense à réparer l'école. T'as raison. Il faut y croire un peu, hein. Lundi, il y a un réparateur qui vient installer notre bibliothèque dans ma classe. Et mardi, le tribunal va rendre son jugement. Ah bah, ça en fait des choses importantes d'un coup. Tu peux manger un bout de ta pomme? Merci, chérie. Lundi 11 février, 11h30, École élémentaire Goliarda Sapienza. Ah là, je peux pas vous la remettre, votre étagère. J'ai pas le bonbon de commande. C'est-à-dire ? Sur le bon de commande, c'est marqué « Vissage d'une étagère bibliothèque ». Et là, c'est déjà, il faut dévisser l'ancienne. Dévisser, je peux pas faire. C'est pas marqué sur le bon de commande. Mais si je la dévisse, moi, l'étagère, vous pouvez la revisser après. Ça dépend. Ça dépend de comment vous dévissez. Si vous abîmez le matériel, après, derrière, je peux plus rien faire. Et si je n'abîme rien, c'est bon. Vous pouvez fixer l'étagère au mur. Ah non, ça non. Comment ça ? Je peux pas la fixer au mur, je peux la visser. C'est ce qui est marqué sur le bon de commande. Mais visser, ça suffira pas pour la fixer. Ça, ce serait dommage parce que c'est des enfants de 6 à 10 ans qui se servent de cette bibliothèque. On serait tous très malheureux si des kilos de livres leur dégringolaient sur le crâne. Là, vous voyez déjà, elle tremble. Ah ça, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je peux pas visser. Parce que visser, ça tiendra pas une étagère chargée comme ça. Qu'est-ce qui ferait que l'étagère tienne ? Déjà, là, votre mur, il est tout fin. Moi, je mettrais plutôt l'étagère de l'autre côté. Voyez, là, sur la plaque de Béatrice. À la place du coin d'Inette ? Oui. Ah, très bonne idée, on va faire ça tout de suite. Attendez, voilà, bougez pas tout. C'est que visser sur la plaque de Béatrice, ça tiendra pas. Il est comment, votre mur, là ? Il faut démolir pour ce type de bibliothèque. Et vous n'avez pas le bon bon de commande, c'est ça ? Vous me prenez pour un tocard, hein ? Je peux le lire dans vos yeux. Non, c'est juste que j'ai mis 3 mois à vous faire venir et vous allez repartir sans avoir touché une vis. Et je vais rester avec des mômes qui n'ont jamais vu une bibliothèque et qui ne pourront pas le faire parce que j'ai pas le bon bon de commande. Vous croyez quoi ? Qu'on peut rentrer dans un bâtiment et faire n'importe quoi ? Bim, je visse, je dévisse, je cloue ? Le bon de commande, c'est quoi ? C'est le résultat d'un appel d'offres passé par la mairie et que mon entreprise a remporté, qui fait qu'on intervienne dans les écoles sur demande de la mairie en bonne et due forme. Sans bon de commande, je marche sur les plates-bandes d'une autre entreprise, où je peux être suspecté de favoritisme. Et de toute façon, je suis hors la loi. Excusez-moi, c'est que c'est important pour moi, cette bibliothèque. Et j'ai bien vu. C'est vous les petits les gros coussins, non ? Oui. C'est dingue qu'au service technique, ils ne vous aient pas fait le bon de commande. Ils le savent qu'une bibliothèque, ça ne tient pas avec des vis. C'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est pas vous de le faire. Vous êtes directrice d'école, pas technicien. Pourquoi vous avez fait ça ? Ça prenait trop de temps. Bon, ben vous le saurez pour la prochaine fois. Dans 3 mois. Je reviens aussi vite que je peux. Mais avec toutes les interventions où on perd notre temps, on prend du retard. Allez, vous n'allez pas laisser mes gamins comme ça, avec cette étagère. On va mettre les albums dans des cartons, comme ça, posés sur le tapis. Comme ça, ils les ont portés demain. Et puis bon, je vais vous aider à rédiger votre bon de commande. Mardi 12 février, 10h30, chez Milena. Mamie, ton téléphone qui sonne. Oh, c'est pas grave, ma chérie, laisse-le sonner, j'ai trop mal à la tête pour parler. Allô ? Allô ? Je suis bien sur le téléphone de Marie-Dominique Antoine ? Oui. Elle est là, s'il te plaît ? Oui, elle est là, mais elle a mal à la tête. Tu peux me la passer, s'il te plaît ? J'ai une nouvelle qui va la guérir. Mamie, j'ai une nouvelle qui va te guérir. Le projet de Jean-Claude Gaudin de reconstruire des établissements avec un partenariat public-privé. Quand un élu local se voit retoquer ses manœuvres financières, c'est aussi Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Il vient de voir son projet de rénovation des écoles. 12 février 2019, Marseille. La justice annule le plan de rénovation à 1 milliard d'euros pour les écoles. Et les pays-là, le fait de ne pas s'être occupé des Mars écoles Actu. Primaires... Le tribunal administratif annule la délibération de lancement du PPP des écoles. Provence, les 18h, voici le journal avec Mathilde. Annulation du partenariat public-privé. Enclin à faire appel. Le chef de la majorité LR au conseil municipal, Yves Morenne, n'a pas changé de position. Le dossier est bon, même si le débat politique est légitime. Un soulagement pour l'élu socialiste d'opposition, Benoît Fayon. C'était un projet injuste, on savait qu'il ne correspondait pas à la manière dont on conçoit l'école. On sait maintenant qu'il est en marge de la séance, des centaines de Marseillais en colère manifestent devant le conseil municipal. On fait le point avec Louis Stoman dans ce journal. Le collectif Marseille contre les PPP devient collectif PRE pour la rénovation des écoles et demande un audit général pour pluriannuel d'investissement. Le maintien de la gestion collective. C'est historique. Marie-Dominique, Pas seulement pour nous, mais pour tous les PPP. Ça va faire jurisprudence. Il faut rien lâcher. Décoloré. Dans ce monde triste et décoloré, faut bien quelqu'un pour rêver. Mais j'ai arrêté de penser et je continue à avancer. Avant de recommencer à rêver et partir vers la réalité. Vendredi 17 mai, 15h30. Journal de bord de l'école nationale. Je savais pas que c'était à ce point-là. Hein. Non, non, mais franchement, vous avez vu, c'est de la vraie... Ah. On va finir les évaluations, les ramasseurs, vous êtes prêts? Qui n'a pas fini? Moi. Ah, moi. Attendez. Maîtresse, c'est quoi ce bruit? Il y a quelque chose. Ça goûte beaucoup. S'il vous plaît, on se tait. On écoute. Ça goûte beaucoup. Bon, alors, vous vous souvenez l'exercice d'évacuation qu'on a fait en début d'année? Oui. Alors, donc, on va descendre calmement. On ne fait pas de bruit, on ne court pas pour ne pas déranger les autres. Ni elle, Anita, vous sortez en premier. Je serai en dernier, on passe par cette porte. On descend vraiment. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Tranquillement, sans se pousser. Et les évaluations? On les laisse sur la table, c'est pas grave. Youpi! Astrid? Pourquoi tu reviens à ton bureau, Astrid? On sort le plus vite possible, sans courir. Qu'est-ce que tu cherches, Astrid? C'était École marseillaise, attention travaux, épisode 2. Une fiction écrite par Marianick Bello avec Mustapha Abourachid, Ariane Ascarit, Nathalie Boutefeu, Marina Cap, Claire Dumer, Héloïse Philippine, Françoise Henri Kumer, Cédric Ido, Isabelle Joly, Marc Léonian, Grégoire Mont-Saint-Jean, Juliette Navis. Et les voix de Teddy Mélis, Manon Leroy et les élèves de Sandrine Dolinger de l'École nationale à Marseille. Bruitage. Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage. Manuel Couturier. Emmanuel Armin. Assistante à la réalisation. Louise Loubrieux. Réalisation. Laurence Courtois. Marianick Bello a bénéficié pour l'écriture de ce texte de la bourse de la résidence de la Marelle à Marseille. Merci à Éléonore Lanoé, Thibon Maisonneuve, France Bleu Provence, Estelle Ferrari, Pascal Jourdana et toute son équipe. Merci à Xavier Monnier, Corinne Vezzoni. Merci au collectif Marseille contre les PPP, devenu le collectif pour la rénovation des écoles. La baie de Rio, celle de Shanghai, le port de Marseille. T'ouvre la radio, c'est toujours le why, les mêmes nouvelles. La crise est partout, la faute aux canailles, à ceux qui ont l'oseille. Les mêmes échos, les mêmes tracas te montent aux oreilles. À Marseille, des quartiers nord au Prado, dans les ruelles. Du monde entier, la demoiselle, les yeux rivés sur le phare, on se sent plus belle. Quand elle est métissée, de rendez-vous manqué en occasion ratée, de copier, en coller la ville et repenser. On se sent désœuvré, en traînant sur les quais, on se sent dépossédé de notre identité. Et tout est tout changé, mais avec quel projet? On nous a rien demandé, on nous a imposé. Beaucoup sont résignés, beaucoup sont dégoûtés, ne veulent plus s'impliquer, d'autres s'en sont calés. Il faut se relever, oui c'est exagéré, ton esprit de guerrier, il faut le réveiller. Mais ils sont où les Marseillais? À Marseille, des quartiers nord au Prado, dans les ruelles. Les couleurs du monde entier, la demoiselle. Les yeux rivés sur le phare, on se sent plus belle. Quand elle est métissée, tu sais. politique, c'est de nous faire vivre à genoux. Les puissants qui nous font la nique ne veulent rien changer du tout. Pas besoin d'avoir une loupe pour deviner leurs intentions. À nous de nous servir la soupe sans demander la permission. À Marseille, les quartiers nord au Prado dans les ruelles, les couleurs du monde entier, la demoiselle, les yeux rivés sur le pharo se sent plus belle. Sors de la masse, il faut que tu te dépasses. Oublie ce bain qui est plein de piranhas. Quand l'Amazon est débordée, n'en peut plus. Chez nous, l'humour, on est au bord de la crue. Un ballon pour un homme. Dans la ville, comme au vélodrome. Fais tes devoirs et n'oublie pas, tu as des droits. T'es pas un numéro, tu dois faire ton choix. Gentil, méchant, bandit ou bien mendiant. Même combat au royaume de l'argent. Garder son rang, c'est comme garder la pose. Moi, j'en ai ma dose. À Marseille, les quartiers nord au Prado dans les ruelles, les couleurs du monde entier, la demoiselle, les yeux rivés sur le pharo se sent plus belle. Quand elle est métissée, la baie de Rio, celle de Shanghai, le port de Marseille, t'ouvre la radio, c'est toujours le why, les mêmes nouvelles. La crise est partout, la faute aux canailles, à ceux qui ont l'oseille, les mêmes échos, les mêmes tracas. Des quartiers nord au Prado, dans les ruelles, les couleurs du monde entier, la demoiselle, les yeux rivés sur le pharo se sent plus belle. Quand elle est métissée à Marseille, des quartiers nord au Prado, dans les ruelles, les couleurs du monde entier, la demoiselle, les yeux rivés sur le pharo se sent plus belle. Affaires sensibles, la fiction. Valérie Manteau, bonjour. Bonjour. Vous avez publié une tribune dans le journal du dimanche pour parler de Marseille. Vous écrivez que là-bas, tout craque, mais la première planche pourrie, c'est notre personnel politique. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? Je pense qu'on traverse effectivement une crise collective très grave pour la ville. Une crise humaine, évidemment. On a 8 morts, plus une personne morte chez elle, une dame de 80 ans, pendant la manifestation contre le mal logement. On est à 1600 personnes délogées, en plus des 9 morts. Et tout ça est géré dans une panique et une psychose par les autorités qui continue. Ça ne s'apaise pas. Ça survient après les polémiques sur l'entretien des bâtiments des écoles primaires, certaines barres HLM dans les quartiers nord. La mairie, les mairies de secteur ne font plus le travail à Marseille. On a des responsables politiques, ça veut dire quelque chose. Donc on a un maire depuis 23 ans, Jean-Claude Gaudin, qui a été ministre de l'aménagement du territoire et de la ville. Bon, c'est une sinistre plaisanterie quand même. Bon, moi je parle pas en termes judiciaires, mais politiquement, il va falloir remplacer ces personnes-là. Et je pense que le plus tôt sera le mieux. On va essayer d'éviter de reproduire les mêmes problèmes que ceux qu'on a déjà et faire un petit peu le ménage, vous voyez, dans le personnel politique. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer avec un personnel politique qui ne prend pas ses responsabilités. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui École marseillaise. Attention travaux, notre invité Philippe Pujol, journaliste à Marseille. Bonjour Philippe Pujol. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de nombreux livres d'enquête. Vous êtes lauréat du prix Albert Londres en 2014 pour votre série d'articles intitulée « Quartier shit » sur les quartiers nord de Marseille. Et puis vous avez écrit plusieurs livres, dont « French Disconnection » au cœur des trafics, donc en 2014. Et puis ce livre que j'ai cité tout à l'heure, « Le jour où notre système de santé craquera ». Vous avez aussi réalisé des documentaires pour France 2 et Arte. Voilà pour votre parcours. Vous êtes journaliste à Marseille et vous vivez à Marseille. D'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que notre consoeur Valérie Manteau a déclaré dans l'archive que nous avons diffusée tout à l'heure, le portrait de la ville de Marseille qu'elle en faisait, et notamment le portrait de son personnel politique. Bon, je suis complètement d'accord. On a une usure politique qui est qui est malheureusement ancienne. C'est-à-dire que non seulement c'est usé, mais c'est une vieille usure en plus. C'est-à-dire que c'est pas un problème qui date de 25 ans, c'est un problème qui date de 50 et quelques années. Et Jean-Claude Gaudin fait de la politique depuis 56 ans. Il est certes maire depuis 23, 24 ans bientôt, mais il est en politique et notamment au conseil municipal depuis 56 ans. Donc, il n'est pas le seul responsable. Ça serait vraiment faux de tout mettre sur Jean-Claude Gaudin. C'est aujourd'hui celui qui symbolise et qui personnalise les échecs des systèmes marseillais. Mais la liste est trop longue. En tout cas, aujourd'hui, les bébés Gaudin, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui veulent sa place aujourd'hui, sont ceux qui sont aussi responsables de la situation. Et là où je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, c'est que il faut pas que les bébés Gaudin puissent continuer l'œuvre, je dirais, si on peut appeler ça comme ça, de Jean-Claude Gaudin, quoi. Et concernant cette histoire des écoles qui est dramatique, hein, je rappelle, il y a eu des victimes, personne ne semble vouloir assumer, c'est une sorte de patate chaude, donc partie d'une finition qu'on se refile là, comme ça, pour ne pas en assumer la responsabilité. Est-ce qu'il y a ce genre de méthode et de démarche? Alors, en fait, quand on veut gagner en politique, particulièrement à Marseille, il faut diviser le camp adverse et réunir son propre camp. Et une des manières de diviser le camp adverse, quand on est de droite et dans les quartiers populaires qui étaient de gauche, je dis bien qui étaient de gauche, une des manières de les diviser, c'est de leur faire la vie dure. Et la première méthode pour que les gens soient regroupés et pour créer des communautés, ce qui n'existait pas quand moi j'étais enfant dans les années 80, il n'y avait pas de communautarisme. Pour créer des communautés, pour créer donc des groupes qui sont faciles à maîtriser, eh bien, il suffit de faire des ghettos scolaires. Et pour faire des ghettos scolaires, il faut abandonner les écoles. Et en plus, c'est bien, parce que quand on abandonne les écoles, on fait des économies qu'on met ailleurs. Et en plus, on favorise le privé, donc le privé principalement catholique à Marseille, qui permet aussi l'idéologie catholique de notre conseil municipal aujourd'hui, hein, fait que tout le monde y trouve son compte. Et jusqu'à présent, alors que ça fait des dizaines d'années, hein, moi je me rappelle, il y a déjà 12-13 ans, à la Marseillaise, on écrivait sur les... J'étais journaliste à la Marseillaise, on écrivait sur les écoles, on dénonçait déjà tout ça. La paupérisation permet de créer des ghettos, mais des vrais ghettos, maintenant on en est là. Hein. Mmh. Et ces ghettos sont facilement manipulables, parce que dans les ghettos, on arrive à acheter facilement des gens qui n'ont rien. Et quelle est la sociologie de Marseille, la géographie sociologique de Marseille qui peut aussi venir en écho à cela? Il y a eu des évolutions, j'imagine, depuis que vous y vivez, vous, et vous avez vu ces transformations. Oui, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Marseille, c'est une ville un peu particulière en France, et même presque en Europe, je dirais, parce que c'est une ville qui, comme je dis, qui n'est pas franchisée. C'est pas une ville franchisée. Elle ressemble pas aux autres villes. Elle a pas son centre-ville piéton, qui a été refait, qui s'est gentrifié, avec ses banlieues compliquées, sensibles. Marseille, on a un centre-ville pauvre. Alors là, ça fait des décennies, hein. Mm-hmm. On a un centre-ville pauvre. Et ensuite, on a des quartiers, les banlieues sont des classes moyennes. Ce qu'on peut appeler banlieues, c'est les petites villes qu'il y a autour, Gignac, Rognac, Vitrolles, sont des villes de classe moyenne. Et dans la ville, on a un mitage de mélange de pauvres et de riches. Alors souvent, on simplifie en faisant quartier nord, quartier sud. C'est pas aussi simple que ça. On a des gens qui ont de l'argent dans les quartiers nord et on a des îlots de pauvreté très forts dans les quartiers sud. Mais en tout cas, on a une ville très, très, très inégalitaire avec plus de presque 4000 personnes qui payent l'ISF. Donc, on a des gens très riches. Mmh. Qui ont un patrimoine de moyenne de 2,7 millions d'euros, hein, donc c'est pas non plus rien. Et à côté de ça, on a 50% de la population qui est soit en dessous, soit qui frôle le seuil de pauvreté. Philippe Pujol, nous allons continuer notre voyage à Marseille tout à l'heure, dans 3 minutes. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, la chercher. Il me faut la chercher, oh boy. La trouver, la trouver. Je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vu vendre des limaçons. j'ai beaucoup ri les rues. J'entends pas sa chanson. Enfin, mise et Marcia. Montessier et Scundera. Enfin, mise et Marcia. Besaitis et Sperdida. Remontant Canebière. J'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier. Au palais de cristal, mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser. Il faut chercher partout des collines à la mer. Ça fait un sacré beau. Des calanques à la nette. C'est une histoire de fou. Ça fait des kilomètres. Je suis sur les genoux. Enfin, mise Marcia, monte siège escondida. Enfin, mise Marcia, besa qui si es perdida. Philippe Pujol, nous nous retrouvons pour parler de Marseille. Dans tous vos livres, vous dépeignez la ville. Alors, toute proportion gardée, hein, comme Saviano, l'italien Saviano dépeint Naples, quartier inaccessible, ville abandonnée au clientélisme, trafic de drogue, règlement de compte, favoritisme. Personne ne peut sortir de ces zones, certaines zones ghetto, comme vous le disiez tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer à travers votre travail, votre expérience, ce que vit cette ville par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'existence d'une mafia ? Est-ce que le mot est trop fort ? Alors souvent on parle de la mafia marseillaise, pour moi c'est un mot romantique, c'est un mot pour le cinéma, pour la télé, on aime, puis il y a beaucoup de Marseillais qui sont fiers de leur bandit, de leur banditisme, parce que c'est le côté bad boy, le côté mauvais garçon, que moi j'aime bien aussi, je suis le premier à le revendiquer, hein. Mais pour autant, le terme mafia d'un point de vue scientifique ne peut pas coller avec Marseille, parce que d'un point de vue scientifique, donc c'est les sociologues qui ont décidé ce qu'était une mafia, et des économistes, il y a trois critères, il n'y en a aucun pour Marseille. Ces trois critères sont... Le premier, les mafias doivent être pérennes dans le temps. Mmh. Or, à Marseille, quand un groupe de bandits a fini son travail, est en prison, est tué ou arrête parce que par l'âge, il n'y a pas d'hérédité derrière. C'est pas le même clan qui continue, c'est un autre clan qui va éclore, donc il n'y a déjà pas ce critère. Ensuite, deuxième critère, il faut qu'une grande partie de la population adhère à la mafia. Et travaille avec. Mmh. Or, à Marseille, c'est pas le cas. C'est une minorité. Et dernière chose, qui n'existe pas du tout à Marseille, c'est-à-dire que normalement, une mafia se substitue au politique. Or, à Marseille, le politique est omniprésent. Il est surpuissant. Donc, en fait, à Marseille, on a plutôt une pègre, on a un banditisme, on a des dérives mafieuses qui se mettent en dérivation sur les systèmes politiques et qui viennent prendre leur part, qui de temps en temps soutiennent les politiques, la plupart du temps se fichent complètement du politique et vont juste faire leur beurre là-dessus. Mmh. Et le politique lui-même n'est pas lié à la mafia, il est plus clientéliste que dans la corruption pure et dure. Et donc ce qui fait que lutter contre les systèmes marseillais ne va pas se faire avec des juges, ça va se faire plutôt avec des administrations fortes, la Cour des comptes, mais la Cour des comptes elle est pas très forte, et d'autres systèmes d'inspection qui vont faire que tout ce qui est trafic d'influence, tout ce qui est délit d'initié, tout ça, bon, ça, c'est principalement ce qui fait tourner Marseille. Et la piste à suivre, donc, c'est le renforcement de l'État de droit. Faut ça, quoi. Pardon, excuse-moi, je vous ai coupé. Voilà, le renforcement de l'État de droit. Voilà, c'est ça. Complètement. Est-ce que le clientélisme politique est plus développé à Marseille qu'ailleurs ? Je dis ça parce que autour de Paris, on connaît ça aussi, dans l'Essonne, notamment. En fait, à Marseille, il n'y a pas un clientélisme spécifique. Il y a une spécificité à Marseille, c'est qu'il compile tous les clientélismes qu'on va trouver en France. Donc celui de l'Essonne, on l'a. Hein, on a la même chose. On a aussi le petit clientélisme villageois qu'on va trouver dans des villages, un clientélisme de grande proximité. On va aussi avoir le clientélisme associatif qu'on va trouver dans la Grande Couronne, dans les banlieues parisiennes. On va trouver à peu près tous les clientélismes, le clientélisme immobilier qu'on peut trouver en Corse, par exemple. Je cite la Corse comme exemple, mais ça peut être aussi le Var. Hein. Mm-hmm. Et donc, on a une compilation de tous les clientélismes, ce qui donne l'impression que Marseille n'est que clientéliste. Bon, c'est structurellement en place à Marseille. Et un autre phénomène étonnant, c'est que c'est assumé de la part de la plus grande partie des politiques qui assument ce clientélisme et qui te disent c'est comme ça qu'on fait de la politique. Voilà, on a le don contre don. On me donne, je rends. Alors, oui, c'est la définition du clientélisme, effectivement. Il y aura des élections municipales à Marseille en 2020, comme partout en France, évidemment. Est-ce que les écoles ne pourraient pas bénéficier, justement, de cette campagne pour être rénovées? Après tout, en campagne électorale, on fait des choses... c'est une sorte de clientélisme politique, également, ou c'est une geste politique. On fait des choses qu'on ferait pas si on n'était pas en campagne. Les écoles pourraient en profiter ou pas? On parle de gens dans ces écoles qui votent pas. Ah. Qui votent plus du tout. Donc, comme ces gens ne votent plus, ils n'y croient plus du tout. Quand on discute avec eux, c'est hors de question, tous pourris. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais tous pourris. Donc, c'est les gens qui votent pas. Et puisqu'ils ne votent pas, il n'y a pas de raison de leur porter un intérêt. Puisqu'ils ne votent pas. Au contraire. Quand on est sur les bébés Godin, hein, la droite, elle a tout à gagner à ce que ces gens des quartiers populaires ne votent pas. Mmh. Parce que au moins ils contrebalancent pas les clientélismes. Après, je pense aussi qu'on est dans un tel état de délabrement des écoles que Marseille n'a absolument pas les moyens et le temps de même démarrer quelque chose. Ni le temps, mais on pourrait faire semblant, on pourrait démarrer quelque chose. Et comment voyez-vous les municipales dans un an maintenant, un peu moins d'un an même, à Marseille? Oh bah c'est très trouble aujourd'hui. Celui qui va dire un tel va gagner, il est fort, puisque aujourd'hui on ne sait pas qui sera candidat. Aujourd'hui on s'entretue dans son propre camp. C'est le moment le plus intéressant aujourd'hui, parce qu'après aujourd'hui c'est qui rentre dans l'arène. Ensuite on verra le combat dans l'arène. Mais quand on voit le combat dans l'arène, c'est plus folklorique, on voit les choses. Là aujourd'hui tout se passe en sous-main. Donc on a le camp. Alors les bébés Godin qui s'entretuent, on a Martine Vassal qui semble avoir pris le dessus. À côté de ça, on a un Bruno Gide qui lâche rien. Et puis on a un Muselier qui attend, Renaud Muselier, le président du conseil régional, qui attend de voir s'il peut pas faire un petit quelque chose là-dedans. On a ensuite... Enfin, il attend son tour depuis longtemps, ce monsieur. Oui, mais en même temps, il a été trahi maintes fois par Jean-Claude Gaudin. Donc maintenant, il a choisi la stratégie de lui rentrer dedans. Pour moi, c'est pas un bon calcul, puisque Gaudin, il a réussi quelque chose d'exceptionnel. Et quand on le connaît, on se dit, il est fort quand même. Il a réussi à séparer son bilan et sa personne. C'est-à-dire, on n'aime pas son bilan, on n'aime pas ce qu'il a fait comme maire, mais on aime bien Gaudin. Il est marrant, il est sympa, il représente bien Marseille. Et ça, il l'a réussi. Qu'on le veuille ou non, il l'a réussi, ça. Alors... Puisqu'on parle de Marseille, Philippe Pujol, je voudrais terminer avec ça. Marseille, c'est pas que la ville du bazar. Marseille a des atouts, beaucoup d'atouts. Je dis pas ça comme ça pour être correct, parce que c'est vrai, c'est la deuxième ville de France, elle a des atouts. C'est quoi les atouts de Marseille, pour vous? Alors ce que je disais déjà, c'est que c'est une ville qui est pas franchisée. Donc déjà, tous les défauts qu'ont fait les autres, toutes les erreurs qu'ont fait les autres, on les a pas encore faites, nous. Donc on peut déjà réussir à ne pas faire toutes les bêtises, c'est-à-dire faire toutes ces smart cities qui sont mal pensées, juste qui sont déléguées à des grandes entreprises. On délègue l'urbanisme à des entreprises. Ça, on peut essayer encore de ne pas le faire. Il y a plein de choses qu'on peut ne pas faire. Et surtout, on a notre jeunesse dans la ville. C'est pas la banlieue, c'est dans la ville. Les quartiers populaires, qui sont les quartiers jeunes, sont dans la ville. Donc, on a une volonté d'aller de l'avant qui est forte dans ces quartiers populaires. Et il y a quelque chose, moi, pour moi, qui... Alors là, je suis pas en désaccord complet avec les politiques locaux. Je pense que la mauvaise réputation de Marseille est un atout fort. Parce que c'est à Marseille, c'est comme ce mauvais garçon qui aime bien les filles, quoi. C'est exactement ça. On focalise sur Marseille parce que c'est, ou alors si on le fait avec une fille, c'est une jolie fille, un peu vulgaire, mais elle est jolie quand même. Tout le monde la repère. Et donc Marseille, c'est une ville qui attire, qui donne envie, qui a énormément de potentiel. Alors ce que je dis là, ça fait 30 ans que tout le monde le dit, mais surtout c'est une ville qui, par sa mauvaise réputation, peut amener des projets. Moi, je crois beaucoup au cinéma, par exemple, à Marseille, aux industries créatives. On tourne beaucoup à Marseille, à cause de la lumière. On tourne beaucoup, mais il faut que ce soit des Marseillais qui tournent maintenant. Il faut que ce soit fait par des locaux. Il ne faut pas que ce soit des productions parisiennes qui ont besoin du soleil pour payer un peu moins d'argent, quoi. Philippe Pujol, on va s'arrêter là parce que le temps est incompressible, en radio en tout cas. Merci infiniment pour tous ces éclairages sur votre ville. Merci à vous. Sur notre ville, la deuxième en France, Marseille. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, École Marseillaise, Attention Travaux. Une fiction écrite par Marie-Annick Bello, réalisée par Laurence Courtois. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Liraud. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Anne-Laure Cochet et Charles Pellabon.